Au moment, veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Bonsoir, mademoiselle. Je t'aime.